بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc comme je disais hier lorsque nous étions à Charleroi, chaque jour parmi les jours de ce séminaire, donc je lis une partie d'un conseil que Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafidhahullah avait donné à des frères d'Algérie, des frères de Stif en Algérie. Et ce conseil, il est tiré d'un recueil qui a été édité dernièrement, un recueil de plusieurs conseils que Cheikh a donné à différentes personnes, hein, à différents frères, de différentes nationalités à travers le monde, que ce soit donc des conférences téléphoniques ou des frères qui allaient voir le cheikh chez lui et le cheikh les accueillait et leur donnait des conseils. Donc hier, donc nous avons commencé à lire ce conseil, comme je vous ai dit, qui a été donné aux frères de Stif en Algérie. Et dans ce conseil, je résume le début. Le shir, donc, après avoir dit khutbat al-haja, l'invocation du début d'assise, inna alhamdulillah, donc il a encouragé à s'accrocher au Coran et à la sunna, et à la sunna du prophète, et à la sunna des califes bien guidés, et à la voix des pieux prédécesseurs. Et il a encouragé les frères afin de bien comprendre donc le Coran et la Sunna et la voie des salafs, il leur a conseillé de céder des livres qui ont été écrits par les premiers savants et les premiers grands imams de l'islam, comme Bukhari, Muslim et d'autres, et comme notamment les livres plus spécifiques dans le dogme, dont beaucoup de livres commencent par le nom As-Sunna. Comme As-Sunna de Abdullah ibn l'Imam Ahmed, et comme le livre As-Sunna de l'Khalal, ou également As-Sharia de l'Imam al-Ajurri, et également Sharh Usul i'tiqad Ahl Sunna l'Al-Lalaka'i. Sharh Usul i'tiqad Ahl Sunna de l'Imam al-Lalaka'i, etc., etc., parmi les livres donc spécifique dans le dogme. Et donc le shir encourage les frères à étudier ces livres-là pour connaître réellement la voie des salafs et le dogme des salafs, la croyance des salafs. Puis il explique également shir l'importance de connaître le mal de la même façon que l'on connaît le bien. C'est-à-dire, on doit étudier le bien pour le prendre comme croyance et le suivre, et on doit étudier le mal pour s'en écarter et pour y prendre garde et mettre en garde contre le mal. En expliquant cela, le shirk, donc il cite le hadith de Hudhayfa qui est bien connu, lorsque Hudhayfa ibn al-Yaman a dit: les gens interrogeaient le messager d'Allah sur le bien et moi je l'interrogeais sur le mal de peur qu'il ne m'atteigne, de peur qu'il ne me touche. Donc ce hadith donc de Hudhayfa, c'est une preuve que le musulman, il doit connaître le bien et le mal. Le bien pour l'appliquer et le mal pour s'en écarter. Puis le cheikh expliquait que ceci entre le fait de connaître le bien et le mal, pour appliquer le bien et appeler les gens à le suivre, et pour s'écarter du mal et mettre les gens en garde contre lui. Le cheikh expliquait que cela entre dans le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Et que ça entrait dans le djihad qui est fait avec la science, qui est plus fort que le djihad qui est fait avec l'épée. Et que ceci entrait également dans la sincérité, an-nasiha lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Ça entrait dans la sincérité envers Allah, envers son livre, envers son messager, envers les dirigeants musulmans et la masse des musulmans. Donc nous continuons donc ce conseil du Cheikh. فيقول الشيخ ولعلنا أدركنا نتائج ضيق العطن والشدة المهلكة وما شاكلها وأدركنا نتائج ما يسمى بالتمييع والمداهنات فلا هذا ولا ذاك وإنما منهج وسط رضيه الله لهذه الأمة ومدحها عليه. Donc le Cheikh ensuite il dit, et donc nous avons Nous nous sommes rendus compte des conséquences néfastes de quoi ? De la dureté exagérée et également les conséquences néfastes du tamir, la déliquescence, la faiblesse et le fait de faire des concessions dans la religion. Puis il dit, nous ne voulons ni ceci, ni cela, mais nous voulons un manhaj, une voie qui soit de juste milieu, qui est la voie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a agréée pour nous, pour cette communauté, la communauté musulmane. Et c'est, pour cette, et c'est sur, par rapport à cette voie-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait les éloges de cette communauté. قَالَ تَعَالَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans la traduction rapprochée du sens du verset, c'est ainsi que nous avons fait de vous une communauté de juste milieu, afin que vous soyez témoins sur les gens, et que le messager soit témoin sur vous. Puis Cheikh explique, il dit, وَسَطٌ عُدُولٌ وفي نفس الوقت متوسطون ومعتدلون بين الإفراط والتفريط. Donc, Cheikh dit, de juste milieu, c'est-à-dire correct, juste. Et en même temps qu'ils sont justes, ils sont dans le juste milieu, entre l'exagération et le laxisme. فالحق بين هذين. La vérité, elle se trouve entre ces deux choses-là, entre l'exagération et le laxisme. Al-haqq wasat, il est dans le juste milieu. Siratullahi wasatun bayna al-jafa'i wal-ghulu. Le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est dans le juste milieu entre le laxisme et l'exagération. Fala jafa'a fi hadha ad-din wa la ghulu wa fihi. Kullu dhalika mahdhurun wa manhiyun 'anhu. وله عواقب وخيمة شوهت الإسلام سابقا ولاحقا وشوهت المنهج السلفي في هذا العصر. Donc le Cheikh il dit, nous ne voulons donc ni de laxisme ni d'exagération, car tout ceci, le laxisme et l'exagération, tout ceci est un mal et est interdit. Et ces deux choses-là ont des conséquences mauvaises. Et elles ont sali l'islam anciennement et contemporainement, dans les temps anciens et aujourd'hui encore. Et également, elles ont sali le manhaj salafi à notre époque. C'est-à-dire l'exagération et le laxisme, ils ont sali le manhaj salafi. Unasun yantamuna ila al manhaj salafi fayadhhabuna yaslukuna masalik al siyasiyin fi al tahwil wa al tamyi' wa al mudahanat wa yusammuna hadha hikma. On a d'un côté des gens qui s'affilient au manhaj salafi, puis qui suivent les traces des quoi ? Des politiciens. Qui suivent les traces des politiciens dans le fait de quoi ? De tromper et de faire des concessions. Et ils appellent cela quoi? Ils appellent cela de la sagesse. Ils appellent cela de la sagesse. Aushiddatun tuhlikul manhaj as-salafi wa ta'khudhu bi khanaqihi wa tushawwihuhu wa tunaffiru an-nas minhu. Ou alors, de l'autre côté, une dureté qui quoi? Qui détruit le manhaj salafi. Et qui le salit. Et qui fait fuir les gens de ce manhaj. Fala hadha wa la dhak. Ni ceci, ni cela. Wa innama li'tidal. Huwa alladhi yu'ti wa yu'ti ad-da'wata as-salafiyyata as-surata al-la'iqata bihi. Ou biha, min jamaliha, wa husniha, wa yusriha, wa bu'diha anil munaffirat. Donc, ni exagération ni laxisme, mais nous voulons un juste milieu. Qui est la chose qui, quoi, qui va donner à la da'wa salafiyya l'image réelle qui lui convient. La beauté de ce manhaj et la simplicité de ce manhaj et le fait que ce manhaj est loin de tout ce qui quoi de toutes les choses qui peuvent faire fuir les gens. Donc le cheikh il dit que le juste milieu entre l'exagération et le laxisme c'est cela qui va quoi qui va donner à la da'wa salafiyya n'am la bonne image qu'elle a réellement, qui se trouve, là le cheikh ne l'a pas dit, mais qui se trouve dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète et dans le manhaj des salafs, dans ce qui nous a été rapporté des salafs, comme il expliquait auparavant, lorsqu'il nous conseille pour comprendre et connaître correctement le manhaj salafi, de revenir à ceux qui ont écrit les grands imams de l'islam de l'époque, les pieux prédécesseurs, ceux qu'ils ont écrit. Nous revenons à cela pour connaître le manhaj salafi et c'est cela le juste milieu. C'est ce qui est contenu, c'est ce qui est contenu dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans les livres des salafs. Wa kana ar-rasul al-karim sallallahu alayhi wa sallam yu'allimu ummatahu ورسله ومبعوثيه إلى الدعوة إلى الله تعالى فقال صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم, notre noble prophète صلى الله عليه وسلم, il enseignait sa communauté et les messagers qu'il envoyait vers les différentes contrées. Il leur enseignait comment faire la da'wa. Et il leur disait, facilitez et ne rendez pas les choses difficiles. Et faites la bonne annonce et ne faites pas fuir les gens. وَيَفْهَمُ بَعْضُ النَّاسِ مِنَ التَّيْسِيرِ أَنَّهُ الْمُدَاهَنَةِ فيسلكون الطرق المداهنة ويفهم من الحكمة التي أمر الله بها يفهم منها أنها هي المداهنة والطرق السياسية التي تقتل الإسلام. Donc certaines personnes pensent que le fait de faciliter aux gens, c'est le fait de quoi? De faire des concessions dans la religion. Et certaines personnes pensent que la sagesse, c'est de faire des concessions dans la religion et d'utiliser des moyens diplomatiques tels les politiciens. Alors que c'est cela qui tue l'islam. وَيَفْهَمُ بَعْضُ النَّاسِ مِنْ حَثِّ الرَّسُولِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَالسَّلَفِ الصَّالِحِ على التمسك بالكتاب والسنة والتحذير من البدع وأهلها أنها الشدة والغلظة المطلقة والجفاء وسلوك كل طرق نعم وسلوك كل طرق التنفير والتشويه للدعوة السلفية. وهذا أظن أنه جرى منه شيء كثير في كل بلاد الإسلام وفي الجزائر نفسها. Ensuite, Cheikh dit, et certaines personnes, il fait l'opposition avec le premier groupe. Le premier groupe, ce sont ceux qui quoi ? Qui font des concessions et qui utilisent des moyens diplomatiques comme les politiciens. C'est-à-dire, il y a du mensonge et il y a toutes ces choses-là. Alors que c'est cela donc qui tue l'islam, il disait. Puis ensuite, il dit à l'opposé de cela, certaines personnes comprennent, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous encourage, lorsque le prophète ou les pieux prédécesseurs nous encouragent à nous accrocher au Coran et à la Sunna et à mettre en garde contre les innovations et contre les gens d'innovation, certaines personnes pensent que quoi ? Que c'est la dureté totale. La dureté totale et la froideur. Et d'utiliser tous les moyens pour faire fuir les gens de la da'wa salafiyya. Il dit ceci, je pense que ça s'est beaucoup passé dans tous les pays, dans toutes les terres d'islam et également en Algérie. Car il s'adresse là à des frères d'Algérie. ثم يقول الشيخ وقد جربتم نتائج هذين المنهجين منهج التمييع والمداهنات والدفاع عن الباطل بطرق شيطانية ومنهج التشدد الذي أول ما يفتك بالسلفية وأهلها. Il dit le Cheikh, et vous avez certes expérimenté les conséquences de ces deux manhajs, de ces deux voies, de ces deux méthodes. Le manhaj du tamyir, de la déliquescence, et de faire des concessions, et de défendre le faux par des moyens sataniques, et le manhaj de l'exagération dans la dureté, qui s'attaque en premier lieu à la salafia et aux salafis. Donc Cheikh, il dit, vous avez bien expérimenté les conséquences néfastes de ces deux méthodes. La méthode de ceux pour qui tout le monde est beau et tout le monde est gentil, et on ne doit rien dire et on doit défendre le faux. Ils arrivent au point où ils défendent le faux. Et de l'autre côté, la méthode de ceux qui exagèrent dans la mise en garde et qui attaquent en premier lieu les salafis. فقد تظاهر أناس بالغيرة فكان عملهم سلاحا يفتك بالدعوة السلفية وبأهلها ويغرس بينهم العداوة والبغضاء. Certaines personnes ont laissé montrer en apparence qu'ils étaient jaloux pour la religion. Et leurs actes ont été une arme qui a quoi ? Qui a détruit la da'wa salafiyya. Et qui a détruit les salafis. Et qui a mis entre eux, entre les salafis, l'animosité et la haine. وهذه الأعمال ونتائجها يجب الحذر منها والتحذير منها والدعوة إلى الله تبارك وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. Et donc Cheikh il dit, ces actes que ces gens-là ont fait et leurs conséquences, il est une obligation d'y prendre garde et de mettre en garde contre ces choses-là et d'appeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala par la sagesse et par la bonne exhortation et par le débat constructif de la meilleure manière. قال تعالى وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la traduction rapprochée du sens du verset, et c'est là-dessus que je vais terminer. Allah, il dit, la bonne action n'est pas équivalente à la mauvaise. Rejette le mal de la meilleure manière. Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité, il devient un ami chaleureux. Et cela, nul ne peut l'obtenir, si ce n'est ceux qui sont endurants. Et nul ne peut l'obtenir, si ce n'est celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé une grande part, un grand bienfait. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والبقية غدا بإذن الله تعالى. Pour la suite, ce sera demain à Bruxelles, inshallah.